grande vallée, c'est là qu'il a décidé de finir sa vie. Grande vallée, c'est pas la grande ville, c'est pas la grande plage, c'est pas tous les jours facile, mais c'est là, grande vallée. Qu'il mène ses vaches, tire la charrue, fait le sillon, plante pour manger les légumes, le ciel est difficile. Il pleut à torrents, les orages, où le soleil éclatant, la chaleur sur ses épaules brûle. Oh, il laboure pour la saveur du jour, sa sueur du travail accompli encore un jour. Plein de travail, plein de travail, plein de courage, grande vallée. Et son paradis, le soleil se couche, le soleil se lève, et la lune tourne. Et c'est elle qu'il a choisi la vie, la grande vallée, il vit de rien ou si peu, seul, sous les étoiles, et même si le temps change, il sait ce qu'il est vrai, ce qui est pas besoin de toutes ces technologies, de ces passe-temps inutiles, pas besoin de courir pour avoir quelque facilité. Et là-bas, là dans ses pas, cette grande vallée, ses prés, ses champs, ses bois, et il se sent bien. Ses vaches l'accompagnent et n'attend que la pluie et rien d'autre. Quelques moutons là qui route et qui chie, et rien d'autre venant des hommes. Il a compris qu'il n'y avait rien à attendre d'eux. Débrouille-toi toi-même et tu trouveras le courage. N'attends rien des autres, il le sait trop bien. Ne te sacrifie pas pour eux. Non, ne te sacrifie pas pour eux. Laisse-les. Laisse-les là. Laisse-les là, sans plus penser à eux. Il est bien, regardez. Il est bien, regardant les nuages arriver. des fois il prend sa guitare et joue un peu. Ses doigts trouvent des sons qu'il ne sait pas vraiment comment. Il a fait pour sortir cela de ce bout de bois. Accorde, accordez-moi un peu de temps. Accordez-moi, mais il en est content. Se contente du peu qu'il a, et il sait que ce n'est pas d'avoir des choses qui amènent d'autres choses. Non, il sait que grande vallée, c'est d'être là. Profiter du moment et rien d'autre, et rien d'autre. Car un jour tout sera fini, et ce qui restera de tout ça, sa vie, si peu de choses comme les autres avant lui. Avant soi, alors profite, qu'il se dit profite jusqu'à la mort. De ces lieux, d'être en paix si possible avec soi. D'être en paix si possible avec soi. Même grande vallée est là. Pour son grande vallée, et un jour, plus rien, tout finira. Profite de ta liberté, grande vallée, la grande vallée assise. Assis-toi et regarde avec moi. Si tu veux le monde, redéteste. Le monde changé, le monde, un autre jour à Grande Vallée, un autre jour à Grande Vallée, regarde et puis